Quand je dis à l'homme que l'homme est parfaitement ignorant sur la terre, je dis deux choses. Je dis que l'homme, tant qu'il ne sera pas dans l'intelligence de l'esprit et qu'il ne pourra pas tout comprendre instantanément de ses actes, il sera incapable de construire dans le même temps que son acte des correspondances dans les plans invisibles parallèles à sa matière. Des correspondances qui, demain, seront le monde vers lequel il devra aller. L'homme doit construire sur la terre dans l'invisible. Ce n'est pas l'opposé. C'est sur la terre dans l'action de l'intelligence de l'esprit que l'homme construit dans l'éther les corps, les conditions de demain. Ce n'est pas l'opposé. Le phénomène de l'éther, le phénomène du dédoublement, le phénomène de la vie que l'homme ne connaît pas, c'est un phénomène qui est totalement opposé au phénomène de la mort. Mais c'est un phénomène qui est parallèle au phénomène de la mort. L'homme sur la terre construit les conditions qu'il vivra dans la mort, et l'homme sur la terre construit les conditions qu'il vivra dans la vie. Là où il y a différence, c'est que l'homme qui, sur la terre, construit les conditions qu'il vivra dans la mort, il les construit parce qu'il n'est pas dans l'esprit de l'intelligence. Tandis que l'homme qui est dans l'esprit de l'intelligence va vers l'intelligence de l'esprit et déjà il a dans sa main les outils pour construire les conditions de sa vie après la matière. Mais être dans l'esprit de l'intelligence, c'est une transition. Ce n'est pas une condition de vie sur la terre. De sorte que là où vous êtes, là où vous vous sentez, là où vous vous regardez, là où vous vous précisez dans votre conscience, ce n'est qu'une transition vers un autre point dans votre vie sur la terre, où vous serez dans l'intelligence de votre esprit. Et lorsque vous serez dans l'intelligence de votre esprit, vous le saurez. Nulle personne n'aura à vous le dire. Pas plus que nul ou personne ne peut contester contre vous-même le fait que vous êtes dans l'esprit de l'intelligence. Lorsque les hommes seront dans l'intelligence de l'esprit, il se créera sur la terre, par voilement. Il se créera sur la terre ce que j'appelle une société anonyme. Il se créera sur la terre un réseau. Il se créera sur la terre des points d'influence. Il se créera sur la terre des centres d'intelligence. Il se créera sur la terre des choses qu'aujourd'hui, vous pouvez très facilement ne mal comprendre alors que vous êtes dans l'esprit de l'intelligence. Parce que lorsque l'on est dans l'esprit de l'intelligence, on a encore le désir de l'intelligence. Lorsqu'on est dans le désir de l'intelligence, on a encore l'impression de l'intelligence. Et lorsqu'on a l'impression de l'intelligence, on n'est pas dans l'intelligence de l'esprit parce qu'on est dans le personnel de l'esprit. Et ce qui est personnel à l'esprit n'appartient pas au cosmique. Et ce qui n'est pas cosmique n'a aucune puissance. Alors, lorsque l'homme sera dans l'intelligence de l'esprit, sans qu'il s'en aperçoive, ou au fur et à mesure qu'il s'en aperçoit, ou au fur et à mesure qu'il le réalise, il verra se tracer de façon subliminale, de façon imperceptible, selon des raisons et des modes de raison qu'il ne pourra pas raisonner. Il verra des choses s'étendre sur la terre. Il verra de l'influence s'étendre sur la terre. Mais ce sera une influence qui n'est pas une influence de l'homme, mais un pouvoir de l'intelligence sur la terre. Et lorsque l'homme comprendra ces paroles, lorsque l'homme comprendra la nature de la puissance de l'intelligence sur la terre, affectant les hommes et affectant les régions de la terre et affectant les nations de la terre, l'homme connaîtra et reconnaîtra que le temps vient pour qu'il y ait sur la terre l'établissement final d'un gouvernement invisible. Mais ce n'est pas dans l'esprit de l'intelligence que l'homme reconnaîtra ceci, ce sera dans l'intelligence de l'esprit. Et tant que l'homme sera dans l'intelligence, dans l'esprit de l'intelligence, il osera prétendre à la recognition de ce fait, et il ne pourra jamais pointer ce fait de ses doigts, parce que aussitôt qu'il pointera ce fait de ses doigts, il en perdra la sensibilité. Parce que ses doigts seront les doigts de l'intelligence, de l'esprit de son intelligence. L'homme comprendra l'avenir et comprendra le mode de l'avenir. Il comprendra les lois de l'avenir et comprendra que l'avenir est déjà dans le présent. Mais dans un présent tellement profond qu'il n'appartient à aucun esprit de l'intelligence d'en comprendre les aspects, la profondeur, la permanence, l'instantanéité ou même la vibration. Et ceci est bon parce que pour la première fois, il sera donné à l'homme de grandes choses, mais des choses qu'il ne pourra pas reconnaître. Parce que lorsque l'homme est dans l'intelligence de l'esprit, il sait, mais ne reconnaît rien. Mais lorsque l'homme est dans l'esprit de l'intelligence, il reconnaît parce qu'il vient vers lui des odeurs possibles. Et ce sont ces odeurs qui affectent la nature même de sa relation avec le mystère. Et l'homme ne peut pas être dans l'esprit de l'intelligence et à la fois connaître le mystère. Parce que le mystère, c'est la manifestation de l'intelligence. Et le mystère se manifeste toujours à l'insu de l'esprit de l'intelligence. C'est pourquoi les hommes, quelles que soient les relations ou quelle que soit la profondeur des dictées qu'ils ont reçues de l'invisible, les hommes ne connaîtront jamais les lois profondes de l'Apocalypse. Les hommes ne connaîtront jamais les lois profondes de la nouvelle race. Les hommes ne connaîtront jamais les lois profondes de la nouvelle civilisation tant qu'ils ne seront pas dans l'intelligence de l'esprit. Alors, si l'on me demande pourquoi, alors c'est fait. Pourquoi nous a-t-on parlé ainsi? Simplement pour alimenter l'homme, simplement pour l'aider à se diriger spirituellement, simplement pour meubler son esprit, simplement pour le préparer au passage de l'inconscience vers l'esprit de l'intelligence. Lorsque l'homme entrera dans l'intelligence de l'esprit, il commencera à sentir le mouvement de ce que j'appelle la société anonyme. Mais il ne pourra pas mettre le doigt dessus. Il ne pourra pas dire, il a pointé et dire, elle est là ou elle est ainsi. Parce que la société anonyme, c'est-à-dire la précondition de l'homme immortel, fait partie du développement dans l'homme, dans chaque unité d'homme, dans toutes les nations de la Terre, fait partie du mouvement de l'intelligence de l'esprit. Et ce mouvement doit être totalement à l'insu de l'esprit de l'intelligence, bien que ce dernier puisse en avoir et en sentir les odeurs. Lorsque l'homme s'occupera des affaires des dieux, il lui sera enlevé la vue des œuvres des dieux. Autrement dit, lorsque l'homme s'occupera au niveau de l'esprit de l'intelligence, de choses qui n'appartiennent qu'à l'intelligence, il ne pourra pas voir la mécanicité, le jeu, le mouvement de cette intelligence. Parce que l'intelligence, elle est aveugle. Un homme qui est dans l'intelligence est un homme aveugle. Parce qu'il n'a pas besoin de voir pour savoir. Mais l'homme qui est dans l'esprit de l'intelligence est un homme qui a de grands yeux. Et ses yeux reflètent toute l'avidité de la conscience de l'homme. Ses yeux reflètent toute l'insécurité de la conscience de l'homme. Et ses yeux reflètent tout l'espoir de l'humanité. L'homme qui est dans l'intelligence ne voit rien, mais il sait tout. Alors, lorsque vous commencerez à ne plus voir, lorsque vous aurez dépassé l'état d'aveugle qui vous a amené à l'état de vision et que vous sortirez de la vision, à ce moment-là, vous serez dans le savoir. Autrement dit, vous serez dans l'intelligence. Et c'est à ce moment-là que se construira sur la terre la société anonyme. Non pas pour votre bénéfice personnel, mais pour la préparation de vos personnes. Et grande différence il y a entre préparation de vos personnes et bénéfice personnel. Le bénéfice personnel est la vision des choses que se donne l'esprit de l'intelligence. Mais dans l'intelligence de l'esprit, il n'y a rien pour soi. Tout fait partie de soi. Et il incombe à l'homme de comprendre que plus il va vers l'intelligence de l'esprit, plus il perd la notion de vie sur terre. Plus il perd la notion de vie dans l'invisible. Plus il perd toute notion, parce que toute notion fait partie du personnel dans l'homme. Lorsqu'en fait, l'homme ne doit être qu'un point où vibre l'intelligence et à l'intérieur de laquelle il n'y a aucune réflexion. Ça, c'est le premier volet que je voulais développer un peu. Prends une petite cigarette. Femme donc, Denis. Je continue. Continue. Je continue. M'entendez-vous? Comment? OK, je continue. Alors, je veux expliquer à ma façon ce que... Je veux expliquer à ma façon... Ça marche? Je veux expliquer à ma façon ce que j'entends par l'esprit de l'intelligence. L'esprit de l'intelligence, c'est la relation instantanée qu'a l'homme avec l'intelligence de l'esprit, mais voilée par la forme de la pensée pour le bénéfice de l'émotion. Dans l'esprit de l'intelligence, il y a toujours l'intelligence de l'esprit, le contact, mais pour le bénéfice de l'émotion humaine, afin de permettre que l'homme vive des expériences servant à l'évolution de l'âme, mais expériences qui, une fois qu'il est avisé, deviennent des souffrances conscientes de l'ego, amenant ainsi éventuellement l'ego à renier l'esprit de l'intelligence pour l'amener éventuellement à l'intelligence de l'esprit. L'ego ne peut pas être amené à l'intelligence de l'esprit dans l'instantané, à moins qu'il soit fusionné. S'il vit ou il va vers la fusion, il doit passer d'abord par l'intelligence de l'esprit pour ensuite reconnaître, l'esprit de l'intelligence, pour ensuite pouvoir reconnaître l'intelligence de l'esprit. Un ego ne peut pas reconnaître l'intelligence de l'esprit tant qu'il n'a pas compris les lois de l'âme. Les lois de l'âme sont très simples. Elles se fondent dans deux aspects fondamentaux. Celui de toujours informer l'homme pour qu'il puisse constamment être averti dans son intelligence, afin qu'il puisse vivre certaines expériences quelconques. Et ensuite, la deuxième loi de l'âme, celle qui force l'homme à ne pas oublier la vibration de sa mémoire qui coïncide avec la valeur qu'il a enregistrée dans son émotion ou dans son mental inférieur de l'intelligence. C'est pour ça que l'homme qui est dans l'intelligence de l'esprit ne peut, dans l'esprit de l'intelligence, ne peut jamais comprendre la nature de l'intelligence de l'esprit, parce qu'il est constamment bloqué, parce qu'il lui est nécessaire, en tant qu'homme, de dégrader l'émotivité et la pensée subjective, de les dégrader à un tel point qu'éventuellement, il n'a plus de support psychologique Et lorsque l'homme n'a plus de support psychologique, il est libre de se créer sa propre vie, c'est-à-dire qu'il est libre de se servir émotivement ou mentalement de l'énergie de l'âme, mais pour le bénéfice de son esprit, au lieu de s'en servir pour le bénéfice de l'âme qui est automatiquement son opposé en ce qui le concerne. Autrement dit, le bonheur de l'âme, c'est le malheur de l'âme. Mais les hommes vivent sous la loi du bonheur de l'âme parce que les hommes pensent. Les hommes qui se conscientisent, même s'ils commencent à réaliser l'origine de la pensée et à réaliser l'intelligence de l'esprit à l'intérieur de l'esprit d'intelligence, ils sont tout de même affiliés à leurs émotions et à leurs pensées, et cette affiliation provient du fait qu'ils n'ont pas encore reconnu partiellement la véritable nature de l'esprit. Et quand je parle de la véritable nature de l'esprit, je parle de la véritable valeur de l'homme. La véritable valeur de l'homme, c'est une condition de son esprit permettant à celui-ci de déterminer les limites de son évolution possible. Alors, les limites de l'évolution possible de l'homme dans la matière peuvent être connues de lui. Ces limites sont proportionnelles à son tempérament et à son caractère, et elles sont conditionnées par la quantité d'énergie d'intelligence en lui qui convient à son tempérament et à son caractère. Et l'homme doit, dans sa vie, connaître les limites de son esprit afin de pouvoir vivre sa vie à ses limites. Et quand on parle des limites de l'esprit de l'homme, on parle de certaines limites qui coïncide sur le plan matériel avec ce qu'il a de besoin pour être bien dans sa peau. Et tout homme doit en arriver au cours de sa vie à pouvoir réaliser les limites de son esprit afin de pouvoir bénéficier de l'intelligence créative et automatiquement augmenter son pouvoir de vie dans la matière. Lorsque l'homme passe à un autre plan, mais les conditions sont hautes, parce que les limites de l'esprit sont beaucoup plus vastes, et les nécessités de l'esprit de l'homme dans ces mondes parallèles sont beaucoup plus créatives, mais elles sont néanmoins extrêmement rapprochées de son esprit, puisque les nécessités de l'esprit de l'homme sont une manifestation directe et précise de la nature de son esprit. Mais si l'homme n'est pas dans l'intelligence de l'esprit et qu'il ne vit que dans l'esprit de l'intelligence, il ne pourra jamais réaliser les limites de son esprit parce qu'il y a une différence très fondamentale entre l'esprit de l'intelligence et l'esprit de l'homme. L'esprit de l'intelligence, c'est le rapport entre l'homme et le cosmique par le biais de la pensée qui est organisée en fonction de son émotion. Tandis que l'esprit de l'homme, c'est la nature de l'intelligence en lui, lui permettant en tant qu'homme d'extraire de la vie sur le plan duquel il est en évolution, d'extraire tout ce qui est possible pour qu'il bénéficie maximalement de la puissance de son esprit. Et ce n'est que par la relation étroite entre l'intelligence de l'esprit et l'esprit de l'homme que ce dernier peut réellement comprendre les mystères de la vie, mais par le biais de son intelligence, au lieu de les comprendre par le biais de l'esprit de l'intelligence. Et si l'homme comprend les mystères de la vie ou les mystères de sa vie par le biais de l'intelligence, automatiquement, il augmente le pouvoir de son esprit et il se prédispose naturellement, lorsque le temps est venu, à passer d'un plan à un autre et exercer dans la lumière son droit, c'est-à-dire exercer sa puissance, c'est-à-dire exercer la limite possible, très vaste, de son esprit qui est proportionnelle à son niveau d'évolution. Un homme n'a pas besoin de connaître, de par son esprit, l'expérience d'un autre homme. Parce que les esprits fonctionnent d'une façon totalement unitaire, totalement fermée sur elle-même. Mais, autrement dit, dans le monde de l'esprit, il n'y a pas d'envie. C'est pour ça qu'on dit que dans le monde de l'esprit, dans le monde de l'universalité de l'esprit, il y a égalité. Mais l'égalité qui existe, elle existe en vertu du fait que l'esprit de l'homme a atteint ou est en voie d'atteindre ou a le pouvoir d'atteindre, de vivre sa limite. Et les hommes doivent connaître leurs limites, pas les connaître dans le cadre d'une projection selon les lois de l'esprit de l'intelligence, mais les connaître dans l'instantané de la vibration de l'intelligence de l'esprit. Et c'est à ce moment-là que l'homme est capable de reconnaître son accès à l'immortalité. C'est là que l'homme peut reconnaître son accès à l'invisible. C'est là que l'homme peut reconnaître sa capacité en tant qu'homme conscientisé, en tant qu'homme universalisé et réaliser sur un plan ou sur un autre une qualité de vie qui n'est pas souhaitable à un autre homme, mais qui est souhaitable pour lui-même. L'esprit de l'intelligence que connaissent les hommes conscients, ou l'esprit de l'intelligence dont souffrent les hommes inconscients, est une condition de vie ne permettant pas à l'homme de s'éclairer par lui-même dans la vie. Et tant que l'homme ne peut pas s'éclairer par lui-même dans la vie, il ne peut pas parler de liberté. Si l'homme est éclairé par un homme, ou si l'homme est éclairé par d'autres intelligences, il sera obligé de suivre le faisceau et de réaliser que le faisceau atterrit quelque part dans l'espace. Si on était dans la noirceur et qu'on prenait une flashlight et qu'on éclairait une partie de cette noirceur, tous les gens iraient vers le petit spot éclairé. Les insectes le font. Si vous avez une lumière, ils vont venir à la lumière. Ils ne sont pas capables de créer leur propre lumière et aller où ils veulent. C'est quelque chose à réfléchir. Et l'homme fonctionne en relation avec le cosmos de la même façon, qu'il soit inconscient ou conscient, ou allant vers la conscience. C'est qu'il est éclairé par les forces, et il est forcé d'aller là où il y a un point de lumière dans l'espace qui est totalement ténébreux. Alors l'homme n'a pas de liberté. Il va vers la liberté, mais il n'a pas de liberté. Pour que l'homme soit libre, il faut qu'il puisse s'éclairer par lui-même. Et pour qu'il s'éclaire par lui-même, il doit violer la loi de l'esprit de l'intelligence, c'est-à-dire détruire le pouvoir de l'intelligence en lui, c'est-à-dire se servir contre tous les obstacles possibles de cette vibration en lui qui crée l'intelligence, ce qu'on appelle la volonté. Et lorsqu'il est capable de se servir de cette vibration en lui qui crée l'intelligence, c'est la volonté qui crée l'intelligence. Ce n'est pas l'intelligence qui crée la volonté. C'est la volonté qui crée l'intelligence et c'est la souffrance qui amène l'homme à la volonté. Et lorsque l'homme est capable de se servir de cette vibration que j'appelle la volonté, à ce moment-là, il est capable de détruire en lui le pouvoir de l'intelligence sur lui, c'est-à-dire qu'il est capable de sortir de l'esprit de l'intelligence. Et pour la première fois dans sa vie, d'être dans l'intelligence de l'esprit, c'est-à-dire d'être capable de s'éclairer lui-même au lieu d'être éclairé par d'autres. Il y a énormément de raisons pour lesquelles l'homme de demain et l'homme de la septième race et les hommes de l'avenir devront s'éclairer eux-mêmes parce que la lumière doit descendre sur les plans inférieurs. Et les hommes ne sont pas des extensions de la lumière dans le temps. Les hommes sont des porteurs de cette lumière. Ils la portent. Et ils la portent. Ah, ils la portent, P-O-R-T-E, parce qu'ils ont la capacité de la supporter, et ils la portent dans l'espace, c'est-à-dire qu'ils la déplacent dans la galaxie. Mais avant que l'homme puisse apporter la lumière dans l'univers, dans les mondes parallèles, il faut qu'il puisse la porter. Et pour qu'il puisse la porter, il doit être capable de détruire en lui l'esprit de l'intelligence, c'est-à-dire cet aspect de cette lumière qui a toujours convenu avec les lois de l'âme, contre les intérêts de l'homme. Parce que l'homme n'était pas prêt à subir et à supporter cette lumière. L'homme n'étant pas prêt à supporter cette lumière, elle devait l'éclairer à son insu pour le bénéfice de l'âme. Sans cela, l'homme n'aurait jamais évolué. Mais lorsque l'homme est prêt à porter la lumière, il est obligé de dérégler la relation entre lui et le cosmos. Et pour que l'homme détruise, dérègle la relation ancienne, traditionnelle, entre lui et le cosmos, il doit se rendre maître de l'intelligence. C'est-à-dire, il doit pouvoir affirmer absolument ce qu'il porte en lui. C'est-à-dire qu'il doit être capable de transporter où il veut cette intelligence, et faire ce qu'il veut avec elle, c'est-à-dire l'activer, la diffuser, la faire valoir selon son caractère et son tempérament. Il ne s'agit plus pour l'homme de demain d'être un portrait robot. Un portrait calculé, mesuré à la seconde près, par des êtres qui sont dans d'autres champs d'énergie. Il s'agit que l'homme détruise le portrait robot, c'est-à-dire qu'il ait la force de se servir dans les terres matérielles, de cette énergie qui fait déjà partie du médium universel de l'intelligence, et d'accroître par le fait même sa relation avec le cosmique, c'est-à-dire accroître sa capacité de faire descendre ce qui est infini et parfait dans le fini et l'imparfait. C'est pourquoi le phénomène de la pensée humaine, bien qu'il fût nécessaire à l'involution, bien qu'il fût nécessaire à l'évolution progressive des masses humaines, dans l'avenir, sera totalement arrêté, non pas parce que les intelligences auront averti l'homme des lois de leur monde, mais parce que un homme sera venu sur la terre et aura pris dans ses mains le flambeau de la liberté qui provient de son combat personnel avec les forces qui sont éternelles et inépuisables. De sorte que, dans le temps qui vient, l'homme saura et pourra vivre dans son intelligence la plus grande révolution qui n'a jamais été connue de l'homme sur la terre, la révolution dans l'esprit. Non pas la révolution dans la forme que propose l'esprit de l'intelligence à l'homme, mais la révolution dans l'esprit pour le bénéfice de l'homme et non pour le bénéfice de l'esprit de l'homme. Parce que l'homme ne peut pas parler de l'esprit de l'homme tant qu'il n'est pas dans l'intelligence de l'esprit. Parce que l'esprit de l'homme, tant que ce dernier n'est pas dans l'intelligence de l'esprit, et le voile dont se sert l'intelligence de l'esprit pour capturer encore au possible des reflets d'émotions et de pensées subjectives qui servent à modeler dans des univers supérieurs des formes pour l'évolution future d'autres hommes qui doivent entrer et revenir en incarnation. Alors, l'homme dont je parle, le sur-homme, l'immortel, l'homme qui, à volonté, selon son propre vouloir, aura accès aux lois de cause et d'effet. Cet homme ne peut comprendre qui il est que lorsqu'il est dans l'intelligence de son esprit. Mais tant qu'on est dans l'esprit de l'intelligence, on s'intéresse à l'intelligence. Et c'est la plus grande erreur de l'homme. Parce que lorsque l'homme s'intéresse à l'intelligence, il joue le jeu de l'esprit de l'intelligence. Et c'est pour ça que la curiosité est la plus grande faiblesse de l'homme et elle est le plus grand danger de l'homme. Non pas parce qu'elle n'a pas servi dans le passé, non pas parce qu'elle n'a pas permis à la science d'évoluer, non pas parce qu'elle n'a pas permis l'évolution de philo, mais parce que là, elle a permis que l'homme cesse de connaître instantanément sa destinée pour ne reconnaître que la destinée des nations à l'intérieur de laquelle il était esclave et lié par la tradition. Et l'homme de demain, l'homme transcendantal, l'homme métaphysique, l'homme métapsychique, l'homme para, n'a aucun lien et ne peut avoir aucun lien avec aucune race. Parce que avoir un lien avec une race implique que nous avons une responsabilité raciale. Et si un homme a une responsabilité raciale, comment voulez-vous qu'il soit libre? Non pas seulement dans les mœurs ou des mœurs de la race, mais qu'il soit libre des impressions de la race. Et ce sont les impressions de la race qui créent les mœurs de la race et qui arrachent à l'homme le pouvoir de son intelligence et qui le plonge pendant des siècles dans l'esprit de la race, qui est un aspect plus vaste et moins personnel de l'esprit de l'intelligence. Et c'est très difficile à l'homme, tant qu'il est dans l'esprit de l'intelligence, de pouvoir reconnaître la nécessité d'être totalement en dehors de l'intérêt de l'intelligence. C'est être difficile à l'homme de reconnaître l'importance de ne jamais être intéressé à de l'intelligence. Parce qu'aussitôt que l'homme est intéressé à de l'intelligence, il est prisonnier de l'esprit de l'intelligence, parce que l'esprit de l'intelligence a pour fonction de créer dans l'homme une vibration qui éveille sa conscience et qui lui donne l'impression d'être. Seulement l'impression d'être. Ce qui a amené Descartes à dire « je pense, donc je suis » au lieu de dire « je pense, donc j'ai l'impression d'être ». Et si Descartes avait réalisé qu'en disant « je pense, donc je suis », il ne manifestait que l'impression d'être, il aurait automatiquement compris que la nature même de la philosophie est essentiellement opposée à la doctrine de l'intelligence. Mais l'homme n'était pas prêt à la doctrine de l'intelligence, parce que l'homme n'était pas prêt à pouvoir reconnaître les vertus essentiellement immonde de toutes les doctrines secrètes qui ont été données philosophiquement ou ésotériquement à l'homme par le passé. Les plus grandes doctrines de l'humanité, les grandes doctrines ésotériques, la grande doctrine secrète de Blavatsky, était une doctrine provenant de la mémoire de l'humanité permettant d'étirer, d'étendre le champ d'activité mondial de l'esprit de l'intelligence. Pourquoi? Pour empêcher que l'homme puisse, dans un moment quelconque de sa vie, se libérer complètement de son humanité pour rentrer dans son immortalité. C'est ces doctrines et la puissance de ces doctrines, la puissance psychologique, spirituelle, vibratoire de ces doctrines est tellement grande que les gens qui entrent dans le temple de ces doctrines se trouvent automatiquement aspirés par ces doctrines et en font des fondations même de l'esprit de l'intelligence et on élève des temples à ces esprits et on encense ces esprits et on en parle à haute ou à basse voix de ces esprits, mais on est obligé un jour ou l'autre à recourir à l'impossible afin de détruire la raison essentielle de la philosophie de ces esprits qui est le bon sens de la mémoire. Afin d'amener l'homme à réaliser l'intelligence de l'esprit et à sortir une fois pour toutes de l'esprit de l'intelligence. C'est pour ça que dans les temps qui viendront, l'ésotérisme, la tradition, les philosophies, tout ce qui fait partie de l'esprit de l'intelligence, tout ce qui fait partie des temples érigés par l'homme pour le bénéfice de la tradition, pour l'évolution de l'homme, spirituels ou philosophiques, seront abattus, totalement détruits, et il ne restera plus sur la terre de vestiges il ne restera plus sur la terre même l'ombre de ces monuments parce que l'homme aura eu accès au domaine de l'intelligence, c'est-à-dire à l'impossibilité. L'homme doit vivre dans l'impossibilité, non pas dans le possible. L'homme doit vivre dans l'impossibilité, non pas dans le possible qui est sorti des fonds ténébreux de l'histoire pour permettre à l'esprit de l'homme qui est assouvi par l'esprit de l'intelligence et attiré par l'esprit de l'intelligence. L'homme doit être totalement au-dessus de l'esprit de l'intelligence. Ne plus s'intéresser à rien qui soit de l'esprit de l'intelligence. S'il veut connaître l'impossible, parce que la lumière, elle est faite, elle est composée de, elle est la manifestation de l'impossible. Mais il y a eu des histoires de l'impossible racontées à l'homme, non pas pour l'amener à l'impossible, mais pour l'assujettir à l'esprit de l'intelligence, pour le bénéfice de l'esprit de l'intelligence. Ce n'est pas que j'ai quelque chose contre les beaux et magnifiques traités ou les belles et magnifiques histoires de l'occultisme occidental ou oriental. Mais il ne faut pas confondre